condamnité. Quatre scènes annoncées, mange pâte la pâte et Perfect Square à lécher. On veut le lancer en lancer, pour en vigueur en dessin, salon en emprunt, ça sent son propre nom. Salon en punissant les mains, je viens pour encore dire des menaces, c'est quoi ça du tribunal, un salon prison. Bravo, Emmanuel Gonton!